Exercice 7, page 38. A. Un chat noir. Transformer. Ce chat est noir. B. Un feu rouge. Transformer. Ce feu est rouge. C. Un bus plein. Transformer. Ce bus est plein. D. Une jupe courte. Transformer. Cette jupe est courte. E. Une chaise haute. Transformer. Cette chaise est haute. F. Une table basse. Transformer. Cette table est basse.